D'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap News, les habitants de l'arrondissement de Cholon de Corée du Sud ont tenu le 13 un meeting contre la reprise des exercices de tir au canon des autorités militaires. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen Tazu Sibo, le syndicat de transport public a livré le 13 courant à Séoul un rassemblement de lutte générale contre la révision de la loi du travail et le système de rémunération en question et pour la victoire de la grève générale. S'y sont joints les syndicats des chemins de fer, de l'hôpital de l'université de Séoul et de la finance qui livrent la grève générale depuis 3 semaines.